Thank you. Thank you. Il veut pas choper des meufs. Il veut pas choper des meufs. Il veut pas choper des meufs avec sa guitare. Il veut pas choper des meufs. Il sait pas choper des meufs avec sa guitare. Si t'as deux guitares, c'est le meilleur plan. Tu fais la meilleure chanson et après tu t'arrêtes. Si t'as deux guitares, c'est le meilleur plan. Tu fais deux chansons, après tu t'arrêtes. Tu laisses la guitare, la deuxième guitare. À celui qui sait bien jouer, celui qui va enchaîner. Celui qui va enchaîner les. Pendant que lui qui se touche, le manche. Toi tu touches sa copine qui démange. Le gras comme un démon, ça te mange. D'aller voir comment qu'elle vous solange. Ça colle pas. Casio, il pète. Chacun de ses deniers. Le Casio SP100X, comme ma mobilette. Il me fait rêver, tu le sais. Il me fait bien kiffer, c'est vrai. À quel âge il a arrêté de toucher. À quel âge il est. Passer à côté, tu le sais. Il va peut-être le toucher. Touche à tout, la musique, c'est vrai. Thank you. love that smile, I love that splide. When you enter the room, when you enter the groove, when you enter the room. Thank you. Zumba, soy el suelo que arde en tu piel. You saw that film on the web. It's a short movie with a lot of action. With a lot of action. With a lot of action. Forgive yourself, you ain't able to do like the movie star. You ain't able to double stomp twice. You ain't able to do. Don't worry, it's a show. It's fake. You shouldn't worry. But if she creeps, if she cries. Thank you.